La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, émission du dimanche 19 mai. La Croche-Oreille, c'est l'émission consacrée aux arts sonores, aux tonalités insolites, aux musicalités inclassables. Et dans ce contexte, très heureux de vous retrouver autour des œuvres sonores de l'artiste portugaise, d'origine portugaise, Dulmié. Dulmié a fait paraître un album d'expérimentation sonore en 2016, un album intitulé Keter que j'ai trouvé magnifique avec ses sonorités de voix, de respiration, une approche très organique, physique, intime. Alors, je l'ai contacté il y a quelques mois maintenant et Dulmié m'a expédié les pistes de son dernier album intitulé Hemisferia et transmis des réponses écrites aux quelques questions question qui me semblait importante relativement à sa démarche d'artiste et à ses projets sonores. Alors, je vous propose ce soir des pièces choisies tirées de ses albums et des extraits de notre correspondance des dernières semaines. Et pour débuter cette rencontre, allons-y avec les deux premières pistes de ce beau projet sonore intitulé Keter. Oh. De Dulmier, elle est d'origine portugaise. Elle a fait ses études de musique, violoniste diplômée de l'École supérieure de musique et des arts de la scène de Porto. Elle a joué pour divers orchestres et composé de la musique pour le théâtre. En 2016, Dulmier a publié Quetter, et dont on vient d'entendre deux extraits. Alors, cet album est plutôt en marge de sa formation de violoniste, puisque le travail de la voix passe à l'avant-plan. À ce propos, Dulmier me raconte dans sa correspondance que le violon fait quelques apparitions dans Quetter et Hemisphéria. Mais, dit-elle, mon approche de la composition reflète précisément mon parcours scolaire et personnel. Le violon a été et demeure pour moi l'un des moyens d'apprendre et d'explorer des univers sonores, de développer des langages. Cependant, ce n'est pas le violon que je voulais communiquer principalement, mais plutôt la voix, qui est l'instrument de communication sonore le plus utilisé par l'être humain, avec tout ce qu'il a de viscéral, de sa vulnérabilité à sa force. Alors, je referme ici les guillemets et on écoute ensemble deux autres pistes du projet Quetter, une pièce intitulée Respiration et mémoria. Alors, on vient d'entendre les pièces Respiratio et Memoria de l'album Keter de l'artiste sonore d'origine portugaise Dolmia, qui souligne en entrevue que l'album, son premier album Keter, est un regard sur le corps humain. Chaque pièce représente ou réinterprète des processus biologiques, évoque des organes concrets et cherche quelque chose dans la symétrie du corps, une autre forme de beauté, de triomphe, une vérité. Bref, de manière plus générale, le travail sonore de Dolmier est littéralement tourné vers l'autre de manière à créer une sorte de connexion intime via le corps, les sens. Et là, j'ouvre les guillemets. Je prends l'auditeur par la main, dit-elle, et je l'entraîne dans un voyage sonore autour du monde qui l'entoure en invitant à jeter un regard sur sa vie intérieure. C'est une sorte de communication intime qui cherche à montrer notre fragilité, nos imperfections. Pour y arriver, les procédés techniques sont nombreux, s'écartant à plusieurs reprises des risques de l'improvisation. J'explore, dit-elle, des techniques de composition. Je reste attentive au contenu harmonique, au développement du timbre dans les textures minimalistes. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, Vous êtes sur les ondes de CKRL. Je reçois ce soir l'artiste Doulmier. Et en guise d'introduction de la deuxième partie d'émission, on écoute un extrait d'un titre tiré de son deuxième album intitulé Misphéria. Et je vous reviens immédiatement après notre petite pause. Eco, substantivo masculino. Repetição mais ou menos nítida de um som devido à reflexão das ondas sonoras. Som repetido, repetição. Divulgação de palavras ou expressões atribuídas a uma pessoa. Boato, rumor, repercussão. Lugar onde se produz o eco. Substantivo masculino, repetição mais ou menos nítida de um som devido à reflexão das ondas sonoras. Som repetido, repetição. Divulgação de palavras ou expressões atribuídas a uma pessoa. Boato, rumor, repercussão. Lugar onde se produz o eco. Substantivo masculino. Repetição mais ou menos nítida de um som devido à reflexão. Som repetido. Repetição. Devolução de palavras às palavras atribuídas a uma pessoa. Som repetido. Substantivo masculino. De palavras às palavras atribuídas a uma pessoa. Som repetido. Substantivo masculino. Thank you. CKRL. Communication. Culture. Le son. Le son. La croche-oreille. Une présentation d'Avatar. Le son. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL. Je reçois ce soir Dulmié, musicienne, performeuse et artiste sonore d'origine portugaise, qui a produit deux albums très singuliers, des œuvres qui exploitent avec grâce le potentiel sonore du corps, du souffle et de la voix. Dulmié a diffusé son travail au Portugal, évidemment, au Brésil, en Allemagne, aux Pays-Bas. Elle sera d'ailleurs en performance le 29 juin prochain à la MK Gallery de Londres. On dit du caractère expérimental de sa voix qu'il donne de quoi charmer, inquiéter et intriguer à la fois, offrant une sorte de manège à sensations fortes, raconte le critique musical Jonathan Levitt. En janvier 2019, Dulmié publie un nouvel album, lance un nouvel album. Il est intitulé Hemisphéria, qui est dans la continuité de son précédent album sur le plan des sonorités vocales. Des couches, des spirales sonores se chevauchent, se déplacent pour atteindre un ailleurs. Parfois, il y a de la lumière, parfois non. C'est ce qu'on peut lire dans la documentation d'accompagnement de ce beau disque. Hemisphéria, c'est une chanson sans paroles, faite de fragments d'une langue perdue, un monde qui s'est inventé petit à petit et qui est devenu un récit suite à deux années de travail en laboratoire, raconte Dulmié. Pour se mettre dans l'ambiance ou dans l'esprit de cet album, on écoute deux pièces, une première intitulée First Axon et Respiratio 2. Thank you.

On vient d'entendre deux titres de l'album intitulé Hemispheria, un titre First Axon et Respiratio de l'artiste Dulmier, qui souligne dans le cadre de notre échange, de notre correspondance, que le projet Hemispheria découle d'une approche technique très différente de celle utilisée dans l'album Keter. Le dispositif de sonorité électronique est manipulé en temps réel, comme si c'était un concert, contrairement à Keter qui a été composé et enregistré sur plusieurs pistes, puis réalisé en post-production sans intention de lecture en temps réel. Hemispheria est une dramaturgie sonore, dit-elle, qui utilise une analogie des processus neurologiques du cerveau, une évocation de leurs différents circuits et même de leurs anomalies. Cette analogie est un moyen de réflexion, raconte Dulmier, sur les différents types de communication et de réflexion aussi sur le chaos en tant qu'outil de découverte artistique. Ooh. Magnifique pièce de Doulmier, une pièce intitulée Absentia, c'est tiré de son album Hemispheria. Une pièce qui complète ce soir la présentation de l'artiste Doulmier et de ses albums intitulés Keter et Hemispheria qu'on peut se procurer sur la plateforme Bandcamp. Alors pour terminer, je remercie Doulmier de m'avoir permis de faire cette émission ce soir. Alors quant à moi, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site Lacroche-Oreille pour trouver les pièces entendues ce soir et le balado de toutes nos émissions. Restez sur les ondes, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy dans quelques minutes. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de CKRL. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Lacroche-Oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. CKRL. Communication. Culture.